Bonjour à tous, bienvenue à votre rendez-vous d'actu hebdomadaire, un panorama de ce qui se passe en France et dans le monde donc pour vous préparer au concours des écoles de journalisme. Cette semaine, à notre habitude, un point sur les informations à suivre, ce que vous avez à surligner dans votre agenda avec Valentine. Ensuite, l'actualité en France, présentée par Elsa, avec notamment l'inquiétude du secteur viticole. Puis la rubrique internationale et le plan de paix américain pour l'Ukraine présenté par Daphné. Et côté éco-société, avec Juliette, les agressions sexuelles dans le périscolaire au centre de l'actualité parisienne. Et pour finir, un point culture et sport avec Elsa en Jamaïque, et Nina clôturera avec nos recommandations. Alors avant toute chose, que retenir de cette semaine ? Place à notre rubrique Affluoté. Valentine, qu'as-tu relevé pour nous ? Qu'y a-t-il à noter et surligner dans l'actualité cette semaine ? Les rythmes scolaires pourraient changer, la Convention citoyenne pour mieux respecter les temps de l'enfant a rendu dimanche dernier son rapport et ses propositions. Parmi les mesures fortes, passer à la semaine de 5 jours, faire débuter les cours à 9h au lieu de 8h, raccourcir leur durée à 45 minutes et supprimer une zone de vacances. C'est une permission de sortie qui a fait polémique. Un narcotrafiquant de la prison de haute sécurité de Vendin-le-Veuil dans le Pas-de-Calais a pu rencontrer lundi un potentiel employeur dans la région lyonnaise. Au vu de son profil et de sa tentative d'évasion en 2014, cette permission de sortie a été décriée par les syndicats pénitentiaires. Le ministre de la Justice, Gérard Darmanin, a affiché de son côté sa volonté de revoir les règles de l'application des peines en matière de criminalité organisée. L'unique couple de pandas géants présent en France a quitté l'Hexagone mardi. Wanwan et Yuanzi retrouvent la Chine après avoir passé 12 ans aux eaux de Beauval. Ils rejoignent le centre de conservation de Chengdu dans le cadre du programme international de recherche et de reproduction des pandas géants, un enjeu capital pour la Chine qui utilise la diplomatie du panda pour renforcer ses liens avec les autres pays. Vaste opération, c'est le nom de la nouvelle opération lancée par Israël en Cisjordanie. Sans donner plus de détails, l'armée de l'État hébreu a entamé mercredi une intervention dans le nord de la Cisjordanie occupée. Elle vise, selon elle, à lutter contre des groupes armés palestiniens. A noter également que malgré le cessez-le-feu signé avec le Hezbollah il y a un an, l'armée israélienne poursuit ses frappes contre le parti pro-iranien et continue de contrôler 5 positions au sud du Liban. À Washington, une soldate de la garde nationale est morte jeudi. Avec l'un de ses collègues, elle avait été attaquée mercredi par un tireur. L'homme interpellé est un Afghan qui a collaboré avec l'armée américaine et est arrivé sur le territoire en 2021. L'autre soldat se trouve toujours dans un état très grave. Donald Trump a annoncé en réaction la réexamination des visas accordés aux ressortissants de 19 pays jugés sensibles. Nicolas Sarkozy est définitivement condamné dans l'affaire Big Malion. La Cour de cassation a rejeté mercredi le pourvoi de l'ancien chef d'État. Elle le condamne à un an de prison, dont 6 mois avec sursis, pour le financement illégal de sa seconde campagne présidentielle de 2012. C'est une deuxième mention qui s'inscrit au casier judiciaire de Nicolas Sarkozy avant l'appel du procès libyen en mars prochain. Elle obtient le prix Goncourt des lycéens 2025. Après avoir reçu le prix féminin en novembre dernier, Natacha Apana a été récompensée jeudi pour son 13e livre, La nuit au cœur, un ouvrage qui raconte le destin de 3 femmes prises dans la spirale des violences masculines. Merci Valentine. Après ce tour d'horizon, place aux rubriques spécifiques. Commençons en France avec Elsa. Debout ! Macron, il a récupéré tous les tocards de la politique. Parti ! Mais qui elle est celle-là ? Quelle indignité. Et on débute les mains dans le raisin avec le secteur viticole. Il alerte sur une crise majeure dans le secteur. Une année noire, c'est le terme qui a été employé pour désigner la production de vin sur le territoire national. Le secteur viticole français est vraiment dans une situation de grande difficulté, a affirmé Jérôme Despé, premier vice-président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, dans les colonnes du journal Le Monde. Alors, plusieurs raisons à ce malaise sont avancées, notamment le réchauffement climatique et la canicule de cet été. À cause de la hausse des températures, l'Aude, par exemple, a vu sa production viticole passer de 3,9 millions à 2 millions d'hectolitres en 3 ans. Autre raison majeure, les tensions géopolitiques et la baisse du prix de la bouteille. Depuis le 1er août 2025, des droits de douane de 15 à 39% s'appliquent sur l'alcool tricolore à destination des États-Unis et de la Chine. Hausse des prix à l'étranger, mais baisse dans la grande distribution en France, avec des bouteilles parfois vendues entre 1,50 € et 2 euros. Ce lundi, la ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté Alimentaire, Annie Genevard, a annoncé un plan de soutien massif à la filière viticole, un engagement financier avec une enveloppe de 130 millions d'euros pour l'arrachage définitif des vignes ou encore un allègement des charges sociales, affaire à suivre donc pour les concours. Emmanuel Macron l'a annoncé ce jeudi, c'est le retour du service militaire. Action-réaction pour le président de la République. Suite aux déclarations du chef d'état-major des armées, le général Fabien Mandon, qui avait estimé que le pays devait accepter de perdre ses enfants, Emmanuel Macron a répondu. Et cette réponse, c'est un nouveau service national purement militaire et volontaire de 10 mois. Il doit concerner plus de 3000 jeunes volontaires dès l'été 2026. L'objectif est d'atteindre l'engagement de 50 000 jeunes de 18 et 19 ans d'ici 2035. Le président a aussi assuré que les volontaires serviront exclusivement sur le territoire national. Et cette annonce, eh bien, elle sonne aussi la fin du Service National Universel, ou SNU, lancé en 2019. Destiné aux mineurs de 15 à 17 ans, il a été considéré comme n'étant plus adapté au contexte stratégique créé par l'invasion de l'Ukraine en 2022, selon l'Élysée. À la cour d'appel de Paris, le procès en appel du crash Rio Paris touche à sa fin. Va-t-on bientôt avoir un dénouement ? Après 8 semaines d'audience, la peine maximale de 225 000 euros a été requise par les avocats généraux contre Air France et Airbus. Pour rappel, le 1er juin 2009, le vol AF447 reliant Rio de Janeiro et Paris s'est abîmé en pleine nuit dans l'Atlantique, entraînant la mort des 228 passagers et membres d'équipage. En première instance, en avril 2023, le constructeur aérien et la compagnie avaient été tous les deux relaxés alors qu'ils étaient jugés pour homicide involontaire. L'issue risque de ne pas être la même en appel. La justice reproche notamment à Airbus d'avoir sous-estimé la gravité des défaillances des sondes anémométriques de l'avion. Quant à Air France, il lui est reproché de ne pas avoir mis en œuvre de formation pour les pilotes sur ses défaillances. La Cour devrait d'ailleurs rendre son arrêt d'ici plusieurs mois. Maintenant, place à l'actualité internationale, notamment avec le conflit russo-ukrainien. God save the king. Sono una donna, sono una madre, sono italiana. I have a dream. Be you. Be proud of you. Jeudi 27, c'était la date limite fixée par Donald Trump pour que l'Ukraine accepte son plan de paix. Mais mardi dernier, le président américain a finalement fait marche arrière, Daphné. Je n'ai pas de date butoir, a affirmé mardi Donald Trump. L'ultimatum pour accepter le plan de paix ne tient donc plus, car avant de le signer, Volodymyr Zelensky a besoin de s'entretenir au plus vite avec son homologue américain. Les concessions territoriales lui posent encore problème et doivent être discutées en face à face. La semaine prochaine, l'émissaire américain Steve Witkoff devrait aborder le même sujet avec Vladimir Poutine à Moscou. En attendant de trouver une issue au conflit, le Fonds monétaire international a annoncé mercredi un nouveau programme d'aide. Il prévoit 8,2 milliards de dollars sur 4 ans. C'est une nouvelle avancée pour les droits homosexuels. Tous les pays de l'Union européenne devront reconnaître un mariage gay conclu dans un autre État membre. C'est ce que la Cour de justice de l'UE a acté dans un arrêté pris mardi dernier. C'est un arrêt qualifié d'historique par les défenseurs des droits LGBTQIA+. Et cette avancée, on la doit à deux Polonais mariés en Allemagne en 2018. Ils ont décidé de s'installer en Pologne pour y vivre en tant que couple marié. Pour cela, ils doivent demander la transcription de leur acte de mariage dans le registre d'état civil polonais. Seulement voilà, en guise de réponse, ils n'ont reçu qu'un refus, car pour rappel, le mariage homosexuel n'est pas autorisé en Pologne. Alors le couple a saisi la Cour de justice de l'UE, qui a qualifié ce refus de contraire au droit européen. Le géant de l'informatique HP a annoncé mardi dernier des suppressions massives d'emplois d'ici fin 2028, et ce, au profit de l'intelligence artificielle. On parle ici de 4 à 6 000 emplois menacés. Cela pourrait représenter jusqu'à un peu plus de 10% des effectifs du géant américain. C'est l'une des premières fois qu'une entreprise de taille importante fait publiquement un lien direct entre les réductions du personnel et la mise en place d'outils IA. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un plan d'adoption de l'intelligence artificielle. Ce dernier s'étale sur 3 ans et doit faire progresser la satisfaction client, l'innovation produit et la productivité du groupe. Une initiative qui permettrait à HP d'économiser environ 1 milliard de dollars par an d'ici fin 2028. Maintenant, point sur les sujets qui occupent le débat public avec la rubrique Éco-société. Et le ministre radical est en colère. Combien ? This is Elon Musk. Colère des familles, grève des animateurs et un élu qui révèle avoir été victime. Les agressions sexuelles dans le périscolaire au centre de l'actualité parisienne, Juliette. À bout, c'est le mot qui revient chez les parents d'enfants victimes d'agressions dans les écoles parisiennes. Dans un communiqué, plusieurs familles dénoncent l'omerta et réclament une réunion urgente avec le parquet pour obtenir des réponses sur les enquêtes en cours. Ils rappellent la gravité des faits, des viols et agressions sur des enfants, parfois âgés de seulement 3 ans. Selon la ville, une trentaine d'animateurs ont été suspendus cette année, dont 16 pour des faits à caractère sexuel. Et pour la chef du parquet des mineurs, Lisa Louwip, la tendance est claire. 15 enquêtes ont été ouvertes en 2025, une hausse très nette, portée à la fois par une meilleure formation des professionnels et une vigilance accrue des parents. Face au scandale, la mairie a présenté un plan d'action, création d'un défenseur des enfants, renforcement de la formation et suspension définitive en cas de fait avéré. Mais pour le collectif SOS Périscolaire, qui affirme avoir reçu 400 témoignages en 4 ans, c'est insuffisant. La crise a pris une autre dimension lorsque l'adjoint socialiste Emmanuel Grégoire, candidat à la succession d'Anne Hidalgo, a révélé avoir lui-même été agressé lorsqu'il était enfant, pendant plusieurs mois, dans un cadre périscolaire. Un témoignage rare qu'il présente comme un appel à une responsabilité collective. Pendant ce temps, les animateurs sont en grève depuis le 10 novembre. Ils dénoncent le sous-effectif qui rend difficile les conditions de surveillance et fragilise la prévention des violences. Tous appellent désormais l'État, la ville et la justice à agir ensemble pour garantir des espaces réellement sûrs pour les enfants. C'est un petit séisme pour les salles obscures, fréquentation en chute libre, financement qui fonde et films du milieu de plus en plus difficiles à monter. Alors que 2025 s'achève, le cinéma français retient son souffle. Fréquentation en berne, budget sous pression et blockbuster qui déserte la salle, le cinéma français vit une fin d'année morose. Le CNC annonce un recul de 15% des entrées sur 10 mois et l'année ne rattrapera pas les 181 millions de spectateurs de 2024. Résultat, les salles serrent les dents et les films dits du milieu, donc ces productions entre 4 et 7 millions d'euros, sont les premières victimes. Canal+ baisse ses financements, les plateformes attirent les gros projets et les exploitants s'endettent. Heureusement, quelques succès inattendus comme « La femme la plus riche du monde » ou « L'étranger » version Ozon prouvent que l'art et essai résistent encore. Mais une chose est sûre, le marché ne reviendra pas aux années fastes. Le cinéma français entre dans une nouvelle ère, plus fragile et plus incertaine. Les supermarchés Auchan pourraient tous passer sous pavillon Intermarché. Une décision choc, symbole d'un distributeur en perte de vitesse et d'un autre en pleine ascension, Juliette. C'est un petit tremblement de terre dans la grande distribution. Auchan prévoit de rebaptiser l'ensemble de ses 260 supermarchés en France sous les enseignes Intermarché et Netto. Un choix stratégique pour tenter de redresser un modèle essoufflé alors que le groupe Muliez accumule les pertes depuis plusieurs années. Concrètement, les magasins resteront exploités par Auchan, mais sous franchise Intermarché, un groupement indépendant en pleine expansion qui voit l'occasion de renforcer sa part de marché. Pour les salariés, en revanche, l'annonce a été un coup de massue. Ils seront transférés dans une nouvelle entité avec la crainte de perdre des avantages sociaux, voire leur emploi. Le projet doit encore obtenir le feu vert de l'autorité et de la concurrence. La bascule est attendue fin 2026. Un peu de légèreté maintenant, ou presque, avec l'actualité sportive et culturelle de la semaine. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, tu me parles pas d'âge. I recoup the ball. La semaine est exotique. Le sport et la culture se jouent dans les Caraïbes, Elsa. Reggae Night, I Can See Clearly Now, Wonderful World, Beautiful People et ce titre phare, Many Rivers to Cross. Lundi, le chanteur jamaïcain et icône de la musique Jimmy Cliff s'est éteint à l'âge de 81 ans. Many rivers to cross, but I can't seem to find... Jimmy Cliff, né James Chamber, c'est LA première voix internationale du ska et du reggae. Ses tubes soul et engagés révèlent dès les années 60 toute la culture de son pays natal, bien avant un certain Bob Marley. L'aura de son homologue a d'ailleurs un temps éclipsé la carrière de Jimmy Cliff, malgré 34 albums au compteur, dont deux couronnés d'un Grammy Award. Mais c'est en 1972, avec le film The Harder They Come, dont il est l'acteur principal, qu'il revient sur le devant de la scène américaine et mondiale. Dans un tout autre registre, c'est aussi lui qui a enregistré la bande originale Hakuna Matata dans le royaume loin du reggae. En 2003, il est fait membre de l'Ordre du Mérite par le Premier ministre de la Jamaïque. Il qualifiait Jimmy Cliff de véritable géant culturel dont la musique a porté le cœur de notre nation au monde. Alors depuis, les hommages du monde de la musique pleuvent et ses mélodies, elles, continuent de résonner. Night, On reste en Jamaïque, mais pour le sport cette fois-ci. La petite île au large de Cuba continue de faire parler d'elle. Dimanche, l'équipe jamaïcaine de bobsleigh à 4 a remporté la toute première médaille d'or internationale de son histoire lors de la Coupe nord-américaine au Canada. Une victoire historique près de 40 ans après la sortie du film Rasta Rocket, dont la bande originale est encore une fois signée Jimmy Cliff. Les athlètes étaient aux anges, mais c'est surtout une vraie bouffée d'espoir pour le pays ravagé il y a quelques semaines par l'ouragan Melissa. Enfin, une dernière bonne nouvelle, mercredi, la flamme olympique a pris un nouveau départ depuis le sanctuaire d'Olympie en Grèce. Direction l'Italie, à 100 jours du début des Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina. Elle commencera son périple sur tout le territoire à partir du 6 décembre, relayée par 10 000 porteurs jusqu'à la cérémonie d'ouverture. Rendez-vous le 7 février 2026, l'occasion peut-être d'y retrouver notre équipe jamaïcaine sur les starting blocks. Mais oui, qui sait ? Alors maintenant, pour approfondir certains sujets, si vous le souhaitez, Nina vous fait part de ses recommandations. Absolument tout ce qui fait de vous ce que vous êtes peut faire de vous un bon journaliste. Colline, c'est quoi ton journal préféré ? Concrètement, qu'est-ce que le jury peut nous demander ? À force, vous ne ferez plus qu'un avec l'actu. Mais messieurs, dames, aficionados de l'audiovisuel, j'ai tout de même quelques définitions pour vous. Maintenant, à vos carnets et à vos stylos. Alors déjà, de quoi éclairer les affaires judiciaires actuelles ? Nicolas Sarkozy condamné dans une énième affaire, l'affaire Big Malion, une affaire de détournement de fonds. Mais qu'est-ce que c'est concrètement ? Pour tout comprendre, France Culture a résumé dans 4 courts épisodes, intitulés donc « Affaire Big Malion », au sein du podcast « Mécanique du journalisme », que je recommande d'ailleurs dans son intégralité pour sa qualité. L'actualité de la semaine dernière, qui n'a pas fait si grand bruit au vu des enjeux, c'est bien sûr la COP30, terminée sans accord majeur, que faut-il en penser ? Et c'est à cette question que s'attaquait l'émission 28 minutes d'Arte du lundi 24 novembre. Et pour finir, un documentaire sur les violences sexuelles infligées aux mineurs, un sujet omniprésent dans l'actualité malgré un tabou persistant. Et oui, sorti sur LCP, la chaîne parlementaire, c'est un docu sur le sujet des violences sexuelles sur garçons mineurs qui dure un peu moins d'une heure. Didier, moi et les autres, les enfants du silence, s'attaquent à ce sujet de plus en plus médiatisé. Une heure où la parole est donnée à 4 hommes longtemps soumis au secret et au silence de ce qu'ils avaient vécu. Un regard intime mais pas intrusif, disponible sur YouTube. Merci Nina, et comme chaque semaine, on fait le point sur une des écoles de journalisme, cette semaine, c'est le CFJ avec Lilou Hiver en Master 2. Le CFJ, c'est vraiment une école de la pratique. Il y a très peu de théorie, uniquement le vendredi en première année. Et le reste de la semaine, c'est des sessions thématiques, par exemple télé, radio, ce qui permet vraiment de s'améliorer, notamment parce que on fait que ça de la semaine. Et c'est bien aussi parce qu'on n'a pas de travail à faire en dehors des cours. Les projets qui sont à rendre, ils sont à travailler pendant les cours. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis aussi, dans la première année, on a pas mal de sessions différentes qui donnent vraiment envie. Le journal école, le reportage à l'étranger ou la session enquête. Mais du coup, si je dois donner un défaut à mon école, c'est que même si on n'a pas à travailler en dehors des heures de cours, on a quand même énormément de travail. Et je pense qu'on est une des écoles à avoir un rythme quand même le plus soutenu. Donc, faut être prêt à ça. Et c'est la fin de ce 4e épisode d'ActuVu. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. Merci à l'équipe et à la semaine prochaine.